19h35, bonjour tous à vous toutes, voici le retour comme tous les mardis, l'émission Music Dance, et puis on a buté l'émission avec du pop, avec Damina. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec les chansons pour vous faire plaisir. Et donc je vous laisse avec le zouk et puis juste après du pop. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Our wisdom. wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. écoute, eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 17h, donc avec Nicolas, avec l'émission Music Dance, avec beaucoup de musique et de chansons différentes. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Exposants, commerçants, artisans, donnez de la visibilité à votre activité à la Foire d'Orléans. Du 20 au 29 mars 2026, rejoignez un événement incontournable porté par un thème fort et fédérateur, le Portugal. Au programme, exposition, animation dédiée avec ateliers culinaires, céramique, groupe folklorique et un voyage au Portugal à gagner. Profitez d'une communication puissante et multicanal, réseaux sociaux, newsletter, affichage, radio, vidéo, photos pour valoriser votre présence. Saisissez l'opportunité de rencontrer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Tous les secteurs sont les bienvenus. Exposer à la Foire d'Orléans, au Parc des Expositions de Comet, c'est faire grandir votre activité. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Sous la lune, elle danse, robe en tourbillon. Ses pas frappent la terre comme une invocation. Je veux moi en cascade, main levée au ciel. Elle chante l'amour, le destin éternel. Oh la gitano, regarde braise, libre comme l'air, douce comme l'ivresse. Elle ne s'attarde, elle suit la falaise, elle laisse derrière elle un parfum de tendresse. C'est un secret que les vents transportent. Elle ne promet rien et pourtant elle emporte. Dans ses yeux on devine des mondes anciens et dans son cœur la flamme d'un feu lointain. Oh la gitano, regarde braise, libre comme l'air, douce comme l'ivresse. Elle ne s'attarde, elle suit la falaise. Il laisse derrière elle un parfum de tendresse. Certains l'ont cherché, d'autres l'ont perdu. Mais nul ne l'attache, elle fuit les rues. Elle vit pour l'instant les étoiles la nuit. Et quand elle part, tout le silence la suit. Oh la gitano, regarde braise, reine des chemins, amante sans promesse. Elle ne s'arrête, elle file à l'aise, et grave dans les cœurs une tendre ivresse.

pont d'Italie. Une fille jolie qui marche nonchalante, qui sourit et qui chante. Un jupon qui s'envole, qui tourne en farandole, qui m'entraîne au passage, qui m'emmène en voyage. J'entends les mandolines et je vois les collines, les jardins, les églises de Rome et de Venise. Un jupon d'Italie aux couleurs de la vie qui glisse sur ses hanches comme une voile blanche. Un jupon qui se froisse lorsque mes bras l'enlacent. Une bouche hésitante, mais déjà consentante. Nous allons nous étendre sur un lit d'herbe tendre. Et je lui dis je t'aime. Ti voglio tanto bene. Ce jupon d'Italie n'est qu'une rêverie, une dentelle fine que seul le vent anime. J'y ai vu des mirages, une fille, un voyage, un amour de vacances. Ça n'a pas d'importance. Un jupon d'Italie, une fille jolie. Un jupon d'Italie, une fille jolie. Après tout cet amour, sans le plus petit regret, avant longtemps, je le sais, tu m'oublieras. Ne dis rien, va-t'en, ne perds plus de temps, que peut bien faire mon chagrin. Tu m'oublieras demain, tu oublieras tout ce jour, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous. Ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou, et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tout ça.

help your son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. On peut perdre son travail lorsqu'on a des ratés. On peut perdre son crédit lorsqu'on est endetté. On peut perdre sa mémoire, on peut perdre sa maison, perdre sa fougue et même perdre la raison. On peut perdre sa richesse sur un seul coup de dé. On peut perdre sa jeunesse comme on perd une clé. On peut perdre son courage dans le fond d'une bouteille, perdre ses rêves ou son âme, c'est pareil. Mais un ami, c'est pour la vie. quand tout s'écroule, quand rien nous réussit. Un vrai ami, malgré le froid, ça reste là. On peut perdre sa route à cause d'un faux détour. On peut perdre son cœur à cause d'un vieil amour. On peut perdre sa vie à vivre dans le passé. On perd même parfois le goût d'aimer. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit. Un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car un ami, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. On peut perdre son honneur lorsqu'on est humilié. On peut perdre son calme lorsqu'on est bousculé. On peut perdre son temps à trop compter les heures. On perd tout lorsqu'on vit dans la peur. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit. Un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car un ami, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. Gardez vos amis. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et puis je vous laisse avec le pop rock, mais juste avant le pop rock, eh bien, on va faire un petit tour du côté de la Bretagne. Une histoire, parole d'un vrai breton, au fin fond de la Bretagne, là dans une vraie maison. Ici on est pépère, les meilleurs sont tous là, chante avec nous cette terre et n'oublie pas, Germax, un grand coup en Bretagne, la la la la la, pendant la fiesta est en place, la la la la la, pendant les Bretons ont de la foi, la la la la la, pendant, viens faire un tour chez moi et n'oublie pas, yeah. De temps en temps la fête, avec tous les copains, on se marre sans se prendre la tête, franchement là on se met bien. Avec des bonnes raisons, on chante ensemble pour toi, au son de cette chanson, et n'oublie pas, yeah, Max, un grand coup en Bretagne, la la la la la, pendant la fiesta est en place, la la la la la, pendant les Bretons ont de la voix, la la la la la, pendant, viens faire un tour chez moi, et n'oublie pas, yeah. We'll be right back.

Fine and dancing, the sort of friend, and I began heaven. Just one kick, then a click, a click, and I'm mad as a man. I get out when I step, step, step like anybody can. I feel fine in a long, long life, cause I'm mad as a man. Madison Hudson Avenue, how I wish that we watched. Madison made it for me and you. So why in the Madison Square I can't swing when I sing, sing, sing. But here and now I plan, you'll be mine in the long, long line, cause I'm a Madison man. We're fun and dance in the South of France, and I be kind of fun. Just one kick, then I click, a click, and I'm a Madison man. Where I get around when I step, step, step like anybody can. I feel fine in a long, long line, cause I'm a Madison man. Madison Park and Avenue, how I wish that we were there. Madison made for me and you. So why in the Madison Square I can swing when I sing, sing, sing. But here and now I blame, you'll be mine in that long, long line, cause I'm a Madison man. Yeah, and a Madison man, boy, and a Madison man. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. You're listening to KWPL, coming at you with Bad Boys Blue in the house on this beautiful sunny day. Let your love light shine bright.

Emmanuelo. Ça c'est bon comme ça. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Et puis on reste du côté toujours des chansons et enfin toujours du côté du Portugal et puis juste après avec le rock. Sozinha com meu coração partido. Vieste com doces palavras, disseste que eras tu quem eu procurava.

long. I'll be good for a whole week long. And I'll think of all the time for my reward. I don't need no chocolates with cherries inside. No, mama, I just wanna go out tonight. Mama, can I go out tonight? There's a real good shoot that's got my sights on. Well, now, mama, she's only 17. She's really mean. Well, I just wanna go downtown, see what the girl I do. I'll be only 4:15 tonight. Mama, you know that I'm really fooling. Mama, please, please, can I go? Oh, Lord, then I'll be home before too long. Rockabilly. Before the sun's going down. Well, now, mama, before it's getting too late, I want to use the car to be cruising around. Well, I just wanna go downtown, she's what the girl I do. I'll be on before the quarter tonight. Mama, you know that I'm really fooling. Mama, please, please, can I go? Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Sarcasm in près du petit chalet d'été, habillé de fleurs accrochées sur le flanc de la montagne. Je vivais au soleil doré, très court vêtu, en ramassant des bouquets de fleurs de campagne. Je ne savais rien de l'amour, j'étais trop jeune encore, mais je voyais mes parents amoureux s'embrasser sous les étoiles. Ils avaient un air si heureux, tous les deux, que moi aussi j'ai voulu découvrir l'amour. En cueillant mes fleurs de campagne, un beau jour, écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Je vous laisse avec quelques chansons, des chansons françaises. chez toi et pleure. Moi, j'ai tant pleuré pour toi. J'en ai passé des heures à me tourmenter sans pouvoir t'oublier. Laisse couler tes larmes, ton grand chagrin sur tes joues. La vie a tant de charme qu'elle effacera tout. Peine d'amour sombre, ce n'est qu'un mauvais rêve dont tu t'éveilleras. Crois-moi, laisse crier ta peine. Demain, c'est un cri de joie qui brisera tes chaînes, te ramenant vers moi. Chez toi et pleure, pleure,

took my love and now you gone. Since I fell for you, such misery and pain. I guess I'll never be the same. Since I fell for you, too bad, it's so sad. I'm in love with you, you love me, and you snub me. Can I do? I'm still in love with you. Oh, I guess I'll never see the light. I get the blues. I feel for you. Since I feel for you. On rêvait d'irréel, de joyaux sous les pierres, de pépites. Sur la terre, dans ma chair, moi je veux.

lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Comment savoir si l'on se

sur ma vue, manger celle de Phuket. Pourtant j'aurais tout fait, je me serais laissé étouffer. Façon de parler, mais tous les âmes sont pas pareilles. Rends-moi l'appareil, ou alors on arrête. Je m'étais juré que tu serais la seule dans mon harem. Oui, tu ressembles à ma rhum, c'est pour ça que je suis piqué. Mais dis-moi de quoi ta rhum, on est juste en train de t'expliquer. Sa coche royale, Vito, Piton, le sang, fiston. Levez dans bien sa coche royale. Coco, Jojo, depuis tu. Oui, on a choqué Panam. King Kong a tiré les balles. Oui, on a choqué Panam. Même si on dit c'est la jeunesse d'Oré. Oui, on a choqué Panam. King Kong a tiré les balles. Oui, on a choqué Panam. Même si on dit c'est la jeunesse d'Oré. Et c'est bon, c'est tout ça. Papa, tu bis ma manette, tu voles tes piques. Qui s'est frotté, c'est piqué. Papa, tu bis ma manette, tu voles tes piques. Félicité, jaloux, veut s'accaparer ma réussite. Non, nani, ni voyez qu'il a fait la date. Oui, on a choqué Panam. King Kong a tiré les balles. Oui, on a choqué Panam. Même si on dit c'est la jeunesse dorée. Oui, on a choqué Panam. King Kong a tiré les balles. Oui, on a choqué Panam. Même si on dit c'est la jeunesse dorée. On s'en bat les lèvres. Ma belle, je l'aime, m'a touché vraiment à la mode, ma belle, elle est. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Et puis retour avec deux chansons du country et puis juste après avec Olivier Morival. The joint starts jumping every night when the sun goes down. They got whiskey, women, music and smoke. It's where all the cowboy folk go to boot scoot boogie. I got a good job, I work hard for my money. When it's quitting time, I hit the door running. I fire up my pickup truck and let the horse have fun. I go flying down that highway to that hideaway. Chaque soir, regarde un peu autour de toi. Est-ce qu'il te manque pas un bout de moi? Il y a ton nom gravé quelque part, tout au fond de moi. Je traverse les jours, les nuits sans fin, cherchant ton sourire dans le matin. À chaque souffle, je me demande bien comment tu vas loin de mon chemin. Hey toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Hey toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Hey toi, comment tu vas? On a du temps à rattraper. Hey toi, maintenant que t'es là, on peut tout recommencer. Je traverse les journées, nuits sans fin, cherchant ton sourire dans le matin. À chaque souffle, je me demande bien comment tu vas loin de mon chemin. Hey toi, comment tu vas? On a des choses à se raconter. Hey toi, compte pas sur moi si tu veux te faire oublier. Hey toi, comment tu vas? On a du temps à rattraper. Hey toi, maintenant que t'es là, on peut tout recommencer. J'ai fait sans toi toutes ces années sans se voir. Pensais qu'il était trop tard. Je veux plus jamais te revoir. Comment

Qu'on va se quitter, puis donc avant, on va présenter l'émission juste après moi, donc à partir de 19h-21h avec Christophe, et juste après un autre Christophe entre 21h-23h. Dans tes yeux sur la terrasse d'un café. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. On va se retrouver donc, eh bien, mardi prochain, et puis ainsi vendredi, à partir de 13h30. Jusqu'à 17h. Voilà, donc, eh bien, je vous dis bonsoir. Tu venais d'être largué sur la jetée. Alors je t'ai offert un café que tu n'as pas refusé. Soudain, un sourire devient. Soudain, tu me dis tout bas. je n'ai jamais, jamais refusé. Soudain, un sourire te vient. Soudain, tu me donnes la main.